veux le yen, je veux le dollar, je vais pas parler mandarin. Lyon en école, faut que ton blood, faut qu'on te mette au parfum. Ici c'est trap shit, y'a tu racontes que des bullshit. Semaine pro en concert dans ta ville, ça devient toxique. Hôtel 4 étoiles, je me réveille comme dans Kick, c'est fantastique. Quand j'allume mon fun, faut que des pétasses remplies de plastique. À la guy comme dans la zone, tu kiffes, tu cliques, tu t'abonnes. La frappe c'est ma clique qui la donne. Là je kiffe pas cette pute, c'est pas la bonne. Elle m'a kiffé pour la fame, donc je la prends pour une conne. Là je kiffe pas cette pute, c'est pas la bonne. Elle m'a kiffé pour la fame, donc je la prends pour une conne. Tout pété dans la coiffe, fils de, je pêche pas des tons, mais des petites chatounes. Chatounes, allez range ton père. Non tiens, y'a que du tabac dans le mien, le bon, le doux, le goût, il chatouille la carte. Mais tout ça dans que ça, bâtard, on est bon qu'à ça. Voilà, c'est pour ton foire que tu me verras prendre des petites massas. Là-bas, fais les pesos, ouais, car ici c'est moche. Quand je fais du sale, on dit que c'est pas pour ton vélo, j'écris de la gauche. Même de l'entier, va qu'essayer à ses refala. Là j'attrape Nina, elle me passe téléphoner. C'est avec Fanta Citron, je préfère téléphoner. Tu fais que raconter tes histoires, j'en ai rien à foutre, voilà. En attendant, là-bas, passe les lions en maille. Ça fait plus de cash pour moi, je m'en fous du temps, mais je te lève plus aucune faille. Un truc de faux comme moi, je suis allergique au faible. Un truc de faux, ta go ta snitch. Petit fils de pute qui claque ses allocs dans des bitches. C'est cet argent pour la taronne. Fais attention à tes actes pour que tu te pardonnes. Tout pété dans la coiffe, fils de, je pêche pas des tons, mais des petites chatounes. Chatoune, allez range ton père. Non tiens, y'a que du tabac dans le mien, le bon, le doux, le goût, il chatouille la carte. Mais tout ça dans que ça, bâtard, on est bon qu'à ça. Voilà, c'est pour ton foire que tu me verras prendre des petites massas. Là-bas, fais les pesos, ouais, car ici c'est moche. Quand je fais du sale, on dit que c'est pas pour ton vélo, j'écris de la gauche. Tu veux la guerre, on va te la faire. Feu les housses, bitchas, va va taffer. Verse tout dans le gobelet, c'est terre, terre, va je le refrais. Le Fanta au frais, qui bouge que pour mes refrais. J'suis dans la ville, j'me pavane ensemble et j'dide. Le Renoir fait triquer deux trois tantines. Mais j'ai pas le temps B, j'suis chargé dans le jean. Elle veut être intime, retire même son intime make-up. J'vais lui faire du sale, lui souiller tout son make-up. Moi j'suis toujours cap, les pas la poutre, j'recadre. T'inquiète y'a le job, si ta meuf algabet job. T'inquiète y'a le job, si ta meuf algabet job. Tout pété dans la coiffe, fils de, j'pêche pas des tons, mais des petites chatounes. Chatounes, allez range ton père. Non tiens y'a que du tabac dans le mien, le bon, le doux, le goût, il chatouille la carte. Tout pété dans la coiffe, fils de, j'pêche pas des tons, mais des petites chatounes. Chatounes, allez range ton père. Non tiens y'a que du tabac dans le mien, le bon, le doux, le goût, il chatouille la carte. Mais tout ça dans que ça, bâtard, on est bon qu'à ça. Voilà, c'est pour ton foire que tu me verras prendre des petites massas. Là-bas, fais les pesos, ouais, car ici c'est moche. Quand je fais du sale, on dit que c'est pas pour ton vélo, j'écris de la gauche.